Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour se faire peur. Lorsque le jeune Michael revient chez lui après une année d'école militaire, il découvre que sa mère est amoureuse et que son futur beau-père, David, a déjà emménagé chez eux. Même si David prétend rêver d'une famille idéale, Michael n'arrive pas à y croire, d'autant que son comportement est souvent suspect. J'en reviens pas que ma mère soit pas venue à l'aéroport. Elle avait des trucs à faire. Tu l'as rencontré, ce type ? Il avait l'air cool. On dirait qu'elle est dingue de son mec. Elle est pas la seule. Je suis tellement contente que tu rentres à la maison. Michael, voici David. Je suis ravi de faire enfin ta connaissance. Avec ton retour, nous sommes tous réunis. Il n'y a rien de plus important que la famille. On va reconstruire cette famille, toi et moi. Père et fils. Beau-père. Oui, beau-père. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'aimez bien ? Il est gentil. Ouais, il nous emmène au ciné. Fais gaffe. Tu ne veux pas me voir d'après ta mère. Écoute, papa, c'est pas moi qui me suis tiré. À la télé, ils ont dit qu'une femme s'est précipitée d'un pont en voiture avec ses 3 enfants à l'arrière. Les enfants l'avaient peut-être déçu. Bonjour, madame Cutter. Comment allez-vous ? Hier soir, j'ai regardé Ennemi public numéro 1. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle a vu un reportage sur un tueur et elle dit que son portrait robot, c'était toi tout craché. Génial, je vais avoir la cote dans tout le quartier. Elle reconnaît quand même que ça lui ressemble. Ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe ? La vieille dame d'en face, elle est tombée dans les escaliers et elle s'est brisée la nuque. Le beau-père, un DVD Sony SPHE.